بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر إخوة الإسلام في التذكير بهذا الأمر المهم في حياتنا، ألا وهو توحيد الله عز وجل، وهو من الأمور المهمة. فلنتأمل كم مرة نكرر كلمة التوحيد في بعد المؤذن أو في الصلاة أو في التشهد، في هذه الأمور كلها. ولهذا كان لزاما علينا أن نهتم بهذا الموضوع أهمية بالغة، فهو طريق المنعم عليهم. فالمنعم عليهم وصفوا بقوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأول خصوصيتهم إخلاص الدين لله بطاعة الله عز وجل واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحقق المسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى encore une autre assise autour de ce noble sujet, le sujet crucial dans la vie du musulman, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah سبحانه وتعالى. Et qu'on médite combien de fois on répète l'attestation de foi de notre vie. Après, dans l'adhan, dans l'iqama, dans la prière, dans le tashahhud, donc combien d'invocations, les invocations du matin et du soir, on répète la parole de l'unicité. Ceci doit attirer notre attention que nous devons donner une grande importance au monothéisme. Car c'est la voie du salut, c'est la voie droite, c'est la voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Dans chaque prière, nous demandons d'être avec eux. Et qui sont ceux-là? Regardez la description qui est dans l'autre verset qui explique qui sont les... ceux qui sont comblés du bienfait, ceux qui obéissent à Allah et à son messager. Il n'y a aucun doute que l'obéissance à Allah, c'est la sincérité, c'est l'accomplissement du monothéisme. Il n'y a aucun doute que obéir au messager, c'est la deuxième partie de l'attestation. J'atteste que Muhammad est le messager et le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui sont ceux-là? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Hein? Et les prophètes, ils avaient quoi? Ils ont transmis quoi? Sinon le monothéisme. Leur da'wa était basée complètement sur le monothéisme, du début de leur vie jusqu'à la fin. فَنَحْنُ لَازِنَّا مَعَا بَابِ الْخَوْفِ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ. Donc nous sommes toujours dans le chapitre, celui qui réalise le monothéisme rentrera au paradis sans jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons dans ce degré-là. فعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين وحمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وفي هذا الحديث ما يدل على معنى تحقيق التوحيد وجزاؤه، ولهذا ناسب هذا الحديث هذا الباب. ودخول هؤلاء الجنة بدون حساب لتحقيقهم التوحيد، فهم لا يسترقون ألا يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على الله ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. أن الله سبحانه وتعالى سلو حسين بن عبد الرحمن يدي جتشي سعيد بن جبير كالله سبحانه وتعالى لزاقريكي يدي كي parmi vous a vu l'étoile filante hier؟ Je répondis moi. Puis je dis, quant à moi, je n'étais pas en prière, mais je fus piqué par une bête venimeuse. Et il dit, qu'as-tu donc fait? Il répondit, j'ai demandé une ruqya. Saïd ibn Jubayr lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Je répondis à un hadith qui nous a été rapporté par Shaabi. Il a dit, que vous a-t-il rapporté comme hadith? Je répondis, il nous a rapporté d'après Bouraïd ibn al-Husayb qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de ruqya sauf pour un mauvais œil ou un venin, ou le fait d'être piqué par un venin. Et il dit, rahimahullah, il fait bien celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu. Regardez les questions qu'il lui a posées. Pourquoi tu as agi ainsi? C'est-à-dire, c'est quoi ta preuve? Et nous devons être ainsi. Chaque fois que nous faisons quelque chose, ou nous voulons faire quelque chose, on cherche la preuve avant. On cherche la preuve avant. Et avant d'accomplir cet acte, nous devons l'accomplir en ayant une preuve avec nous. Pas n'importe quelle preuve. Il faut que la preuve soit authentique. Il faut qu'on ait une bonne compréhension de la preuve. Regardez les questions qu'il lui a posées. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et l'homme lui a répondu que Shaabi leur a annoncé, que le prophète leur a annoncé qu'il n'y a pas de ruqya sauf de la piqûre d'un venin ou du mauvais œil. Et regardez maintenant ce qu'il va lui dire. Il lui dit, mais Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, nous a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit, les communautés me furent présentées. Et j'ai vu un prophète alors qu'il y avait avec lui un groupe de moins de 10 personnes. Il y a un prophète qui avait avec lui un homme ou deux. Il y a un prophète qui n'avait personne avec lui. Et c'est alors que me fut présentée une foule immense. Et j'ai eu à l'esprit que c'était ma communauté. Mais il me fut dit que c'est Moussa et sa communauté. Je regardais alors et voici que je vois une foule immense. Il me fut dit, ceci est ta communauté, et avec eux 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Puis il se leva, alayhi salatu salam, et il entra dans sa demeure. Les gens se mirent à discuter au sujet de ceux qui vont rentrer sans jugement au paradis. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui ont accompagné le messager alayhi salatu salam. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont jamais fait d'associationnisme. Et ils ont mentionné des choses. Le messager sallallahu alayhi wa sallam sortit alors. Ils l'informèrent de ce qu'il disait. Et il a dit alayhi salatu salam, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, ni la co-autorisation, et ne croient pas aux augures, et placent leur confiance en leur Seigneur. Il a se leva au Kash ibn Mihsan et dit au messager d'Allah, demande à Allah que je sois parmi ceux-là. Et il a dit, alayhi salatu salam, tu fais partie de ceux-là. Puis un autre homme se leva et dit, demande à Allah qu'il fasse que je sois parmi ceux-là. Le messager d'Allah a dit, Ukasha t'a précédé en cela. Regardez dans ce hadith, quand le prophète a vu, il a vu un prophète qui est arrivé, il y a 10 personnes avec lui. Hein? Est-ce que tout simplement dans la population où il a été avec, a été envoyé ce prophète, il y avait 10 personnes? Hein? Et un prophète où il y a une personne ou deux? Il y a un prophète, il n'y a personne avec. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que ces prophètes ont rempli leur fonction ou pas? Bien sûr qu'ils ont rempli leur fonction. Et est-ce que maintenant le nombre, c'est ça qui fait la valeur, c'est le repère de la réalité et de la vérité? Abadan. Donc le nombre ne peut pas être ce qui nous attire vers quelque chose. Abadan. Hein? La vérité, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas, ne se mesure pas avec le nombre de personnes. La vérité, c'est la vérité, même si s'il y a une seule personne qui suit cette vérité. Regardez, quand Ibn Mas'ud a expliqué ce que c'est que le jama'a. Il dit que le jama'a, c'est la vérité. Tu es la jama'a, toi, si tu es sur la vérité, même si tu es tout seul. Hein? Et ceci, nous devons faire abstraction du nombre. Le nombre, c'est une chose, et la vérité, c'est une autre chose. Et jamais, beaucoup de gens... Ah ouais, mais il y a beaucoup de gens avec eux. Et alors? Iblis va ramasser 999 de 1000 personnes sont pour l'enfer. Hein? Donc, c'est qui sont nombreux? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Si tu oublies à beaucoup parmi ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc le nombre ne doit pas être ce que nous recherchons. Nous devons rechercher la vérité et les preuves de la vérité. Hein? Et ceci est très important. Donc ce hadith contient le sens de la réalisation, du summum de la réalisation du tawhid. Et il contient aussi l'énorme rétribution de ce tawhid réalisé de cette façon. L'entrée de ceux-là au paradis sans jugement est due à la réalisation du tawhid. Ils ne demandent de ruqya à personne, car leur confiance est entière en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se soumettent à personne en dehors d'Allah, pour lequel ils ont une soumission totale. وفي رواية لمسلم ولا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وقال لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. Et la parole du messager alayhi salam, il est rapporté dans une autre version chez l'imam muslim, ils ne font pas de ruqya. Ils ne font pas de ruqya. Ibn Taymiyyah a dit, ce rajout est une illusion de la part du narrateur. Le prophète n'a pas dit, ils ne font pas ruqya, car il a été interrogé sur ruqya alayhi salam. Il a dit, celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Et il a dit, il n'y a pas de mal dans ruqa s'ils sont épargnés des formules du polythéisme. Jibril alayhi salatu salam a fait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ruqya à certains compagnons. Ridwanullah alayhim. La différence entre raqi et le mustarqi, c'est que le mustarqi demande la ruqya. Hein? Et son cœur Il dit tourner, va pencher vers Raqi. Hein? Il va être penché vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Raqi est un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui fait le bien. S'il le fait comme il doit, comme il se doit. Donc ceux qui évoluent de la qualification, dont la qualification du 70 000, c'est montrer leur complète confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne demandent pas à autrui de leur faire ruqya. وقوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم وهي أعم من أن يسألوا ذلك ويفعل بهم باختيارهم والكي في نفسه جائز كما في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه وكوى أنس من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي وهذا كله رواه الإمام البخاري والاسترقاء والاكتواء جائزان ولكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد et la parole du messager عليه السلام il ne se cautorise pas il ne demande pas à autrui de les cautoriser hein? comme il ne leur demande pas de leur faire ruqya ces termes sont plus générales que le fait de demander ruqya. La cautorisation en soi est permise, comme cela est dans l'authentique de l'imam Bukhari selon Jabir, le prophète alayhi salam a envoyé à Ubay ibn Ka'b un médecin qui lui a coupé un vaisseau sanguin et il l'a cautorisé. Et Anas radiyallahu anhu arda a été cautorisé d'une pleuropneumonie et le prophète était vivant. Alayhi salatu wassalam, ceci est rapporté par Imam al-Bukhari. La demande de la ruqya et la cautorisation sont permis, mais le fait de s'en passer est mieux pour la réalisation du plus haut degré du tawhid. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون اي لا يتشاءمون بالطيور ولا بالشهور ونحوها قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك رواه أبو داود وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروعة إلى فقول دي مستجع عليه الصلاة والسلام Ils ne croient pas aux augures, ils ne sont pas pessimistes, ni par les oiseaux, ni par les mois ou autres. Comment on est pessimiste hein, avec les oiseaux ou autres ? Les Arabes à cette époque et encore dans certaines tribus, que ce soit chez les Berbères et ailleurs, ils sortent de la maison, ils voient un corbeau qui vole vers la gauche, ils retournent chez lui. C'est dit là, c'est une mauvaise augure, ce n'est pas bon, la journée va être mauvaise, etc. Certains croient dans certaines coutumes du Maghreb que s'ils rencontrent une personne le matin, ils sortent de chez lui et ils rencontrent une personne dans... Comment on appelle cela ? Les sourcils. S'ils rencontrent une personne dont les sourcils sont attachés, ben, ils retournent chez lui. Hein? Et j'en passe. Hein? Et j'en passe plein de... Ou alors, s'il veut partir, hein, il prend une allumette, il la casse en deux pour pouvoir passer et se dire, ben, j'ai cassé son œil. Et ça, c'est du mauvais augure. Hein? C'est ça les mauvaises augures. Ça, c'est certains exemples. Mais les mauvaises augures sont nombreuses dans les croyances humaines. Hein, selon les tribus, selon les ethnies, etc. Et donc, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, les augures, c'est du shirk. Le hadith est chez Abu Daoud. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam, ils placent leur confiance en Allah, c'est-à-dire toute leur confiance est en Allah et leurs cœurs sont tournés complètement vers Allah uniquement pour prodiguer le bien et repousser le mal, mais ils utilisent les moyens légiférés. Leurs cœurs sont attachés à Allah, sont orientés vers Allah, mais ils utilisent les moyens légiférés pour arriver aux choses qu'ils veulent. Hein? والحديث لا يدل على أن المحققين للتوحيد لا يباشرون الأسباب أبدا وإنما المقصود أنهم يتركون الأمور المكروهة ليس هذه ليست كراهة تحريم كالاكتواء والاسترقاء مع حاجتهم إليها لكمال توكلهم على الله عز وجل أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيها كان يرقي الإنسان نفسه أو يستشفي بالعسل أو الحبة السوداء أو القسط الهندي أو نحو ذلك فليس تركه مشروعا لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. إيه ce hadith ne prouve pas que ceux qui réalisent le tawhid n'utilisent pas les moyens légiférés, abadan, mais il signifie tout simplement qu'ils délaissent les choses détestables. Mais ici, la détestation, ce n'est pas dans le sens de l'interdiction, abadan. Hein? Comme la couturisation, comme la demande de la ruqya, alors qu'ils en ont besoin, car leur confiance est complète en Allah. Ils ne la demandent pas. Hein? Mais il est permis de la demander. Eux, ils la délaissent. Parce qu'ils ont une grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'utilisation du moyen et le fait de chercher la guérison d'une façon qui n'est pas détestable, en se faisant la ruqya soi-même, ou en cherchant la guérison par le fait de boire du miel, ou l'utilisation des grains d'unigène, ou le coccus, ou autre, hein, cela est autorisé. Hein, et cela, il n'est pas permis de délaisser ses moyens. Il n'est pas autorisé de délaisser ses moyens, car le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez la guérison, car toute maladie qu'Allah a descendue est accompagnée de son remède, qui est connu par certains et ignoré par d'autres. » Il hadith, il est chez Imam Ahmed. Dans l'authentique, le remède est dans trois choses. Le fait de boire du miel, le coup de rasoir, c'est-à-dire pour la saigner, la couturisation avec le feu, et il a dit, alayhi sallatou salam, et j'interdis à ma communauté la couturisation. Et dans une autre expression, et je n'aime pas être couturisé. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته صلى الله عليه وسلم والثالث التناء على من تركه والرابع النهي عنه. قال رحمه الله ولا تعارض بينها فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه وأما التناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل أي في تحقيق التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه. ولنا أن نتأمل صفة المؤمنين في هذه الآية كيف ختمت بالتوكل على الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ابن القيم رحمه الله دي لحديث de la couturisation avec le feu contient quatre formules: l'autorisation de le faire, le messager ne l'aime pas, l'éloge de ceux qui ne le pratiquent pas, l'interdiction. Hein? L'interdiction, mais pas au niveau de l'interdiction illicite. Hein? Et il n'y a aucune contradiction entre ces quatre formules. Aucune contradiction dans la parole du messager alayhi salatu wassalam. Le fait qu'il soit pratiqué durant, le fait que la couturisation soit pratiquée durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, cela prouve qu'il est permise. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'aime pas ne prouve pas qu'il est interdit. Quant à l'éloge fait à ceux qui ne la pratiquent pas, cela prouve que c'est le mieux pour compléter le tawhid et réaliser le summum du tawhid, comme c'est comme si le prophète avait dit, ce sont ceux qui ont accompli leurs œuvres sincèrement pour Allah et ont délaissé ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui ne l'est pas. Quant à l'interdiction de la cautorisation, c'est un choix qui est donné à la personne. Et sa karaha ici, c'est du domaine du détestable et non pas du domaine de l'interdiction. Hein, pas du tout. Celui qui la délaisse par confiance en Allah et non pas par endurance, cela prouve la réalisation complète du tawhid. Comme il dit, les qualités des croyants. Quant à celui qui la délaisse tout simplement par endurance et par patience, c'est pas par, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui-là, cela ne prouve pas qu'il a complété, qu'il a réalisé le summum de son tawhid. Hein? Il y a une différence entre les deux. Et comme il dit les qualités des croyants dans ce verset, comment il a été clôturé par la confiance en Allah? Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur. Ha'ula al-muwahhidun taraku ash-shirka ra'san wa lam yunzilu hawa'ijahum bi ahadin fayas'alunahu ar-ruqya fama fawqaha wa taraku al-kay wa in kana yuradu lish-shifa' والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفريض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد على الله سبحانه وتعالى وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال وتلك الخصال والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب نفس التوكل هو مباشرة لأعظم الأسباب وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين ما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد تداووا فإن الله لم يدع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو يا رسول الله قال الهرم قال ابن القيم رحمه الله وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وإنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب وتعطيلها يقدح في التوكل فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا أن الله سبحانه وتعالى سيمونوتيست dans le hadith ont délaissé toute forme d'association ils n'ont pas eu besoin de quiconque pour la ruqya. Et ils ont délaissé la cautorisation, même si c'est une cause de guérison. Et ce qui les a motivés à cela, leur forte confiance en Allah et la délégation de leur situation à Allah et leur satisfaction du décret, du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala les concernant. Et aussi leur véracité dans leur refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont remis tous leurs besoins entre les mains d'Allah. Tout en utilisant les moyens légiférés. Le fait que le cœur fait entièrement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le summum de la réalisation du tawhid. Et c'est la fondation synthèse de laquelle découlent toutes les autres œuvres et les autres qualités des monothéistes. Le hadith ne prouve pas qu'il n'utilise pas les moyens légiférés. L'utilisation du moyen légiféré, c'est la saine nature obligatoire, car l'utilisation, c'est la saine nature obligatoire. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala implique l'utilisation du moyen légiféré. Mais ce qui est voulu, c'est qu'ils ont délaissé les choses détestables alors qu'ils en ont besoin en mettant leur entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la cotorisation, la demande de la ruqya. Quant à l'utilisation du moyen légiféré pour se guérir, cela n'est pas détestable et ne dénigre en rien la confiance en Allah. Et son délaissement n'est pas légiféré. La preuve est stipulée dans le hadith. Chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim, cherchez la guérison, car toute maladie qu'Allah a descendue est accompagnée de son remède, connu par certains et ignoré par d'autres. Chez l'imam Ahmed, cherchez le remède, car toute maladie qu'Allah a fait descendre, il lui a prévu. Toute maladie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il lui a prévu son remède, sauf une maladie. Ils ont dit laquelle au messager d'Allah? Il a dit la vieillesse. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ces hadiths confirment les causes et leurs effets, et que l'ordre d'utiliser les remèdes de guérison n'est pas en contradiction avec le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de repousser le mal de la faim et de la soif par la nourriture et par l'eau. Cela n'est pas en contradiction avec la confiance en Allah. La réalité du tawhid ne sera complète qu'avec l'utilisation des moyens légiférés. Et le fait de délaisser les moyens, c'est un dénigrement dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas considérer son incapacité comme confiance en Allah, comme il doit pas considérer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme une incapacité. Hein? Combien? وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب الخوف من الشرك. Et nous passons au chapitre suivant qui est la peur du polythéisme. هذا الباب يبين لنا أن من أراد تحقيق التوحيد لا بد له أن يخاف من ضده وهو الشرك. وقد يظن الإنسان أنه حقق التوحيد وفي الحقيقة لم يحققه. وكل الأبواب التي ستأتي بعد هذا الباب هي من تحقيق التوحيد. الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد. الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله من تحقيق التوحيد، وهكذا. ولذلك من حسن صنيع المؤلف رحمه الله بعدما ذكر التوحيد وفضله وكيف يكون تحقيقه، ذكر الخوف من ضده حتى يحذره المؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى نبصون au chapitre suivant qui est le chapitre de la crainte du polythéisme. L'auteur a fait suivre ce chapitre de la crainte du polythéisme au chapitre précédent, aux autres chapitres qui sont passés, pour que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala soit éveillé. Car celui qui veut réaliser le tawhid se doit d'avoir peur de son opposé. Car la personne peut croire qu'il a réalisé le tawhid alors qu'en réalité il ne l'a pas réalisé. Et tous les chapitres qui vont suivre ce chapitre font partie de la réalisation du tawhid. La crainte du polythéisme fait partie de la réalisation du tawhid. La crainte, la da'wa vers l'attestation ni digne d'être adoré qu'Allah fait partie de la réalisation du tawhid, et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Et on voit l'excellence de l'ordre suivi par l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans son livre. Hein? Dans ce livre du tawhid, après avoir cité le tawhid, ses mérites, et comment il se réalise, et comment expier les péchés, il le suit de la peur de son opposé, qui est le polythéisme, pour qu'on prenne garde à cette grande gangrène. أيها الإخوة الكرام لا يخفى على شريف علمكم على أنه من أجل توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة خلقت الخليقة ولتحقيقه شرعت كل عبادة فالتوحيد هو الغاية العظمى والهدف الأسمى والمقصد الأسنى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإمام المجدد رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضل التوحيد وتحقيقه في الأبواب السابقة ناسب أن يذكر بعدها الخوف من ضده وهو الشرك يحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وفي الأطر عن سفيان الثوري رحمه الله كما ذكره ابن وضاح في البدع من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب, قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, فإن شاء سبحانه أقامها على دينه وإن شاء زاغها. فالعبد إذا من الله عليه بالتوحيد علما وعملا فعليه الخوف من زوال هذه النعمة العظيمة. إكم سلا نشبا بطخن غاب الكونيسانس فخير الله سبحانه وتعالى لتوحيد consiste à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ce noble but, c'est pour ce noble but que la création a été créée et que l'adoration a été légiférée. Le tawhid, c'est l'énorme but et le summum du but de la création. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, je n'ai créé les jinns et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Vu que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le tawhid, ses mérites et comment il se réalise de par l'ordre parfait qu'il a suivi dans son livre, il était tout à fait convenable et tout à fait normal qu'il suive cela par l'opposé du tawhid qui est le shirk, qui est le polythéisme. Et qu'on médite ce qu'a dit l'homme du secret du prophète alayhi salam, Hudayfa ibn al-Yamān radiyallahu anhu arda. Il a dit, les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal par peur d'y tomber. Hein? Pour ça, il est obligatoire pour nous de connaître le tawhid détaillé, son contraire détaillé aussi. Hein? De connaître des bidas et de connaître aussi la sunna et ainsi de suite. Hein? On connaît le mal pour ne pas y tomber, comme il a dit Hudayfa radiyallahu anhu arda. Et dans un attar, dans une parole de Sufyan, Thawri rapporté par Ibn Wadah dans le bidah, il a dit, celui qui se croit en sécurité dans sa religion, l'espace d'un clin d'œil, Allah la lui enlève. Et notre messager, alayhi salam, faisait constamment ce dua, ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. On lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que les cœurs tournent? Il a répondu, alayhi salam, les cœurs de tous les serviteurs sont entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. Si Allah veut, il les raffermi dans sa religion. Et s'il veut, il les fait dévier. Donc Allah, quand Allah, toi le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, te comble d'une aqidah saine, et de la connaissance du tawhid, fais très attention, mets-le en application, et peur toujours de son contraire qui est l'associationnisme. Et peur toujours, et fais garde de ne pas perdre cette grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'avoir été comblé par le monothéisme et d'être un monothéiste. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ce choix, et qui t'a raffermé là-dessus, tu dois être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, y accomplir son monothéisme, y avoir peur de son contraire. Wa haqiqatu al-khawfi min ash-shirk, sidqu al-iltija' ila Allah, wa al-i'timad 'alayh, wa al-ibtihal wa al-tadarru' ilayh, wa al-bahth wa al-taftish 'an ash-shirk wa wasa'ilihi wa dara'ihi, liyaslama min al-wuqu' fihi, fa inna 'iqabahu 'azim wa jurmuhu kabir. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به, أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه وتعالى، وصارف خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يغفر لمن لقيه، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآيات بيّنت فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فتبين بهذا الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم لا يغفر لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. La réalité, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, de la peur du polythéisme et du shirk, c'est de chercher véridiquement la protection d'Allah en lui faisant confiance, en implorant et en étudiant le polythéisme et tous les moyens qui conduisent vers le polythéisme pour ne pas y tomber, car c'est un énorme crime dont le châtiment est douloureux. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés. Ce qui signifie, il ne pardonne à personne qui meurt avec, en étant associateur, en ayant voué des actes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont dus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans le shirk le fait de ressembler la créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Ressembler la créature incapable, la créature faible, Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait de façon absolue et qui a la puissance absolue et qui est parfait à tous les niveaux. Hein? Donc, c'est celui qui meurt avec le shirk, il ne lui sera pas pardonné, il est obligatoire pour le soumis d'en avoir une grande peur et d'y faire très attention. C'est un immense crime et une immense injustice que commet la personne. C'est aussi une forme du rejet de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une mauvaise suspicion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est mettre l'adoration là où il ne faut pas. Et dans la traduction du sens du verset, il est dit: en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Ça veut dire que le shirk, il ne le pardonne pas. Dans ce verset, il y a la clarification du mérite du fait d'être épargné du polythéisme majeur et mineur, en grande quantité ou en petite quantité. Ce verset et d'autres stipulent que le shirk est l'immense péché, car Allah a annoncé il ne le pardonne pas à celui qui s'en est pas repenti. Et en dehors du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Adam. ولهذا إخوة الإسلام يجب الحذر من الشرك كله، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في الأنبياء والصالحين بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والنذر والذبح لهم وطلب الشفاعة منهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك: ولا كفارة لهذا الشرك إلا بالتوبة منه وإخلاص العمل لله وحده، وإلا فمن مات عليه فإنه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc il est obligatoire, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, de faire attention à toute forme de polythéisme. Le shirk, dans lequel, comme le shirk dans lequel se trouvent beaucoup de musulmans à travers la planète, en exagérant dans leur rapport avec les prophètes qui sont morts, avec les saints, hein? ou leur vouons des cultes qui ne sont dus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou leur demandons ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou leur demandons de les secourir, de leur donner des enfants, en cherchant auprès d'eux la délivrance de toute forme de détresse, en leur égorgeant, en leur demandant l'intercession, alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam a averti la communauté contre tout cela, contre tout cela et toute forme de polythéisme, qui est ce polythéisme qui est énorme, qui est le polythéisme majeur. Et ce polythéisme majeur n'a d'autre expiation que son repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui meurt avec le polythéisme majeur, il est dans l'éternité du feu de l'enfer. Comme cela est bien stipulé dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit, celui qui donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis et sa demeure, c'est l'enfer, et les injustes n'ont pas de secoureur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna, an yatawaffana wa iyyakum ala al-tawhid. وأن يتوفنا وإياكم غير مبدلين ولا مغيرين لمنهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.